aller sur la lune, me sentir léger comme une plume. J'aimerais bien vivre tout là-haut, me sentir très bien dans ma peau. On dit pourtant, j'y suis souvent. J'aimerais bien aller sur la lune, plus besoin de gagner des thunes. J'aimerais bien vivre tout là-haut, plus besoin d'être parano. On dit pourtant, j'y suis souvent. Je suis sur la lune, je ne contrôle plus mon volume. J'aimerais bien redescendre sur terre, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne rêve plus d'être sur la lune, peut-être que c'est mieux sur Neptune. Mais il n'y a pas de mystère, je crois qu'on est bien mieux sur terre. On dit c'est vrai, j'y suis jamais. Depuis que je suis seul sur la lune, je ressens comme de l'amertume. Je repense à ma vie sur terre, j'ai grandi sans savoir quoi faire.